Ouais, j'avais dit que je ferais juste un tout petit point sur le pourquoi, parce que c'est un des éléments qui va arriver à partir du mois de janvier et qui n'est compris de quasiment personne. C'est pourquoi est-ce qu'il y a un remplacement des cotisations sociales par un impôt qui s'appelle la CSG? Et là, pour le coup, tout le monde se regarde en disant, mais ouais, on comprend pas, on voit pas pourquoi, etc. En fait, vous allez comprendre très rapidement. Je vais me mettre au tableau. La fiche de salaire, elle se décompose comme ça. La fiche de salaire, elle se décomposait comme ça. Vous avez à la fois la partie brute touchée, et ensuite vous allez avoir les cotisations sociales qui sont là, et ensuite les cotisations dites patronales qui sont là. D'accord? Ici, à chaque fois que vous avez des cotisations, vous avez une ouverture de droit. Si vous cotisez à la sécurité sociale, vous avez des droits à la sécurité sociale. Okay? Si vous cotisez aux ASEDIC, vous avez des droits. Ça ouvre des droits. Quand vous remplacez ici par la CSG, alors j'ai oublié de dire qu'à chaque fois que vous avez une cotisation qui est ici, il y a une paritarisme. C'est-à-dire que là correspond une cotisation aussi en termes de pourcentage, chacun payant la part patronale, la part salariale, avec des pourcentages différents. Quand vous supprimez celle-là, jamais dans la part patronale, vous verrez dans cette colonne-là payer la CSG. Par contre, la CSG-là est toujours prélevée sur le salaire et sur la part salariale. Ce qui veut dire tout simplement qu'à chaque fois qu'on élimine ici, qu'on élimine là, eh bien, le détail ici, c'est-à-dire le coût du travail diminue. Diminue. C'est-à-dire la valeur travail que vous avez produit est en train de diminuer par le fait d'un transfert de cotisation sociale qui va aller sur un impôt. Et en plus, la subtilité, c'est que l'impôt n'est jamais affecté. La vignette, elle a été affectée un moment pour les vieux, elle a fini dans les collectivités locales et territoriales. Un impôt n'est jamais affecté. Une cotisation, c'est ce que je disais tout de suite, ouvre des droits. Un impôt n'a jamais ouvert un droit, quel qu'il soit. Donc deux objectifs pour Macron, et c'est pas con. Un, la baisse du coût du travail, bien entendu, c'est-à-dire le salarié vaut combien dans son travail. Donc l'employeur, à ce moment-là, paye effectivement moins. Et deuxième aspect des choses, je peux faire ce que je veux des cotisations. C'est-à-dire qu'ils sont à ce moment-là transformés en impôts sur la CSG. Je peux éventuellement m'en servir pour aller faire quelques opérations militaires du côté de la Libye. Donc voilà le fond de la question en ce qui concerne effectivement le transfert des cotisations dites sociales sur un impôt qui est la CSG. Si on comprend ça, on comprend à ce moment-là toute la logique qu'il y a derrière. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec lui, mais si ça vous intéresse, vous pouvez lire un petit bouquin qui s'appelle de Bernard Friot, qui s'intitule Et la cotisation créera un emploi. Vous verrez un peu effectivement la différence.